plus de 4 milliards de kilomètres de la Terre, la sonde New Horizons, en route vers Pluton, qu'elle doit atteindre en juillet 2015, risque fort de rater la moitié de sa mission initiale. New Horizons a été lancée en 2006 avec deux objectifs. D'une part, étudier Pluton et ses satellites, et d'autre part, étudier un objet de la ceinture de Kuiper, ce qu'on appellera un OCK. Vous savez, la ceinture de Kuiper, ce grand réservoir de petits corps glacés aux confins du système solaire. Mais le souci, c'est que l'OCK à visiter n'a pas été déterminé avant le lancement de New Horizons. C'est ce à quoi on pouvait s'attendre, hein. Sauf que les astronomes américains ont reporté leur choix à 5 ans après le lancement, en 2011 donc. Pourquoi un tel report ? Simplement parce que la sonde New Horizons ne pourra atteindre qu'un cône d'espace déterminé après son survol de Pluton, et il faut trouver un OCK qui se trouvera dans ce cône d'exploration à la date donnée, environ 2 ans après le passage près de Pluton. Et rechercher des OCK avant 2011 aurait été impossible à cause de la taille beaucoup trop grande du cône d'exploration possible sur la surface du ciel. Plus la sonde s'approche de Pluton, plus le cône se restreint. Et jusqu'à aujourd'hui, les astronomes impliqués dans le projet ont utilisé 2 télescopes. Le télescope Subaru de 8 mètres 2 à Hawaï et le télescope Magellan de 6 mètres 50 au Chili. Ils ont trouvé 50 nouveaux OCK. Mais aucun n'est à une distance suffisante pour être atteint par New Horizons. Or, le temps presse de plus en plus, puisque New Horizons doit changer de trajectoire juste après son passage près de Pluton l'année prochaine, pour rejoindre ce fameux OCK. Évidemment, pour calculer avec une bonne précision la nouvelle trajectoire, il faut savoir un peu en avance quelle est la cible et quelles sont ses caractéristiques orbitales. Les astronomes n'ont plus que quelques mois pour trouver un candidat intéressant et pour tout calculer. Pris par le stress, l'équipe en charge de cette quête vient de demander en urgence un énorme temps d'observation sur le télescope spatial Hubble, plus de 150 orbites d'observation, alors que ce dernier est déjà surbooké. Le comité du HST qui alloue les temps d'observation doit donner sa réponse le 13 juin prochain. Une partie du problème rencontré par les chercheurs d'OCK est que la zone de recherche se trouve exactement dans le plan galactique, la voie lactée que nous pouvons voir par nuit bien noire. C'est une zone où se trouvent énormément d'étoiles, évidemment, et dont la luminosité noie celle des éventuels OCK présents en avant-plan. Il y a aussi un problème moins avouable, qui est que le nombre de OCK trouvables a été très surestimé par l'équipe américaine. Le nombre d'OCK de faible luminosité avait été extrapolé à partir de celui des OCK de forte luminosité. Or, il s'est avéré que la relation n'est pas linéaire du tout. Il y en a beaucoup moins. Avec le temps d'observation qui leur reste d'ici à la fin de 2014 sur Subaru et Magellan, la probabilité de trouver un bon OCK a été estimée être inférieure à 40%. Elle pourrait remonter à 90% si le temps d'observation demandé avec Hubble est accordé. C'est donc presque leur dernière chance. Sans Hubble, il serait peut-être encore possible de détecter un OCK en début d'année prochaine, mais cela compliquerait sérieusement la mission car il faudrait alors que New Horizons attende un peu plus après son passage auprès de Pluton avant d'allumer ses moteurs pour modifier sa trajectoire. Ce qui voudrait dire aussi que la sonde devrait effectuer un virage beaucoup plus serré que ce que les scientifiques souhaiteraient pour atteindre la trajectoire correcte. Dans le pire des cas, car ils l'imaginent aussi bien sûr, New Horizons passerait quand même aux environs d'un OCK mais beaucoup plus loin que ce qui était prévu initialement. Plusieurs cibles à longue distance ont d'ailleurs déjà été identifiées. Les planétologues se réconfortent quelque peu en se disant que même à grande distance, le télescope de 21 cm de New Horizons fera des meilleures images d'OCK que celui de 2,40 m de Hubble en orbite terrestre. Ah, on se console comme on peut, hein. On peut retrouver cette information dans Nature cette semaine sous le titre « Pluto-bound probe faces crisis », eh oui, une vraie crise.